Chapitre 12e, la loge des Français. 2 mois environ après le mariage de Mademoiselle de la Treillade avec le baron Jules Grèbe, Fabrice et sa femme, en compagnie de Monsieur et Madame Desmarets, étaient allés passer la soirée au Théâtre Français. Ils occupaient cette grande baignoire d'avant-scène que beaucoup de Parisiens connaissent et dont l'administration du théâtre, à qui elle est réservée, fait profiter de temps en temps les amis de la maison. La loge est d'autant plus recherchée qu'elle communique avec un petit salon ménagé de l'autre côté du couloir. Il était 9h30 et le rideau venait de se relever sur le second acte de Mademoiselle de la Séglière, quand l'attention que Béatrice et Madame Desmarets prêtaient à la pièce fut brusquement troublée par la bruyante installation de 3 ou 4 personnes dans l'avant-scène qui leur faisaient face. Elles reconnurent tout de suite la baronne Grèbe, née de la Treillade, escortée de sa fidèle institutrice, de son mari et du marquis de Pierrepont. Cette société avait l'air de très belle humeur, et l'exubérance de son entrain souleva dans la salle quelques chutes réprobateurs. Tout Paris s'entretenait depuis quelque temps de l'intimité de Pierrepont avec la jeune baronne Grèbe, et quant au baron, entièrement dompté, fasciné et hypnotisé par sa femme, il avait pris rang parmi ses maris dont le monde regorge et dont on ne sait si on doit plaindre l'aveuglement ou admirer la complaisance. Même pour ceux qui n'en connaissent pas les détails les plus fâcheux, cette liaison publique de Pierrepont avec une jeune mariée de la veille avait un faux air de détournement de mineur qui, généralement, déplut. On peut croire qu'elle fut une tristesse nouvelle pour ses amis des anciens jours qui voyaient se dégrader ainsi sous leurs yeux de scandale en scandale, cette noble, délicate et chevaleresque figure qui les avait charmés. Il y avait longtemps que Béatrice et son amie n'avaient prononcé entre elles le nom du marquis quand elles eurent la pénible surprise de se trouver face à face avec lui et avec Marianne dans l'avant-scène du Théâtre Français. Elles virent aussitôt qu'elles étaient elles-mêmes reconnues et elles crurent remarquer au jeu des lorgnettes et à l'expression des physionomies qu'elles n'étaient pas étrangères à la conversation de leur vis-à-vis. Marianne parlait avec animation, paraissant diriger avec insistance l'attention de Pierrepont sur la loge de Fabrice. À l'entracte, Fabrice, qu'un travail urgent rappelait chez lui, se retira, suivi de M. Desmarets, qui allait faire un bésigue au cercle. Sa femme devait reconduire Béatrice. Au même moment, le marquis de Pierrepont, semblant obéir un peu à regret à quelques prières de Marianne, se levait et sortait lui-même de son avant-scène. Béatrice, qui derrière son écran ne le quittait pas du regard, sentit son cœur bondir et posa brusquement une main sur son sein. « Qu'as-tu donc ? » dit Madame Desmarets. « Je suis sûre qu'il vient ici. Tu es folle, impossible. Tu vas voir. » 3 ou 4 minutes plus tard, on frappa légèrement à la porte de la loge. Madame Desmarets alla ouvrir, et Pierrepont entra. Il salua avec une politesse un peu raide, et jetant les yeux autour de lui, comme étonné de voir les deux femmes seules. « Fabrice est donc parti ? » demanda-t-il. « Oui, » dit Madame Desmarets, « il vient de s'en aller. »« Ah, fâché, très fâché, » dit Pierrepont, en prenant avec une gaucherie étrange le siège qu'on lui offrait. Il lui arriva en s'essayant de laisser tomber à deux reprises sa lorgnette, qu'il tenait à la main, et il la ramassa en riant plus que de raison de sa maladresse. « J'étais chargé, reprit-il, d'une commission pour lui, pour ce bon Fabrice. Mais certainement, Madame Fabrice voudra bien me servir d'intermédiaire. Je n'en doute pas. Et naturellement, elle obtiendra toute chose, comme elle en est digne. » La bizarrerie de ce langage, son accent hésitant et empâté, l'espèce de ricanement qui accompagnait sa parole pénible ne pouvait échapper aux deux jeunes femmes qui pensèrent aussi douloureusement aux habitudes d'intempérance qu'on lui prêtait. « Voici le fait, » continua-t-il, pendant qu'elle l'écoutait avec une véritable stupeur. « Tout le monde parle du portrait de Miss Nicholson que Fabrice vient de terminer. Un parfait chef-d'œuvre, dit-on. La baronne Grèbe se monte la tête à ce sujet. » Elle voudrait avoir aussi son portrait, de la main du grand artiste, mais il paraît qu'il est surchargé, qu'il refuse des clients, qu'il faut des tours de faveur. j'oserais en réclamer un pour la femme de mon jeune ami, par l'intermédiaire, je le répète, de Madame Fabrice. » Ni l'objet de cette requête, ni le ton dont elle lui était adressée, n'était de nature à plaire à Béatrice. « Mon mari, répondit-elle avec un froid dédain, ne me consulte pas sur le choix de ses modèles. » « Ah, Madame Fabrice, alors, si je comprends bien, nous refuse son concours en cette circonstance ?»« Oui, monsieur, je vous le refuse, » dit Béatrice en se levant avec dignité. « Élise, ajouta-t-elle, tu me permets de prendre ton coupé, je te le renverrai dans 20 minutes. » Elle passa devant Pierre Pont, ouvrit la porte de la loge et entra dans le petit salon contigu où elle se revêtit à la hâte de sa pelisse et de ses fourrures. Madame Desmarets était accourue et l'aidait. Elles se serrèrent la main et Béatrice partit. Pierre Pont, debout, immobile, muet, avait assisté, dans l'ombre de la baignoire, à cette courte scène. Il rejoignit Madame Desmarets dans le petit salon. Elle s'y était assise sur un divan, respirant avec force, comme oppressée. Il se posa devant elle. Ses mains étaient agitées d'un léger tremblement. Son front et ses joues avaient pris une teinte de pourpre, car la colère avait achevé de le griser, et ce fut presque en bégayant qu'il essaya l'apologie de sa conduite. « À vous, je puis dire, avec respect. Mon intention n'a pas été... pas l'habitude, vous savez, d'insulter les femmes. Je ne crois pas avoir mérité, comme elle m'a répondu. C'est du reste affaire entre hommes maintenant. Quant à vous, je désire invoquer des souvenirs qui, j'espère... » Tout à coup, il cessa de parler. Madame Desmarets avait couvert son visage de ses deux mains, et il voyait des larmes glisser entre ses doigts, à travers ses bagues. Il eut un silence d'une minute ou deux, puis le marquis de Pierrepont, devenu subitement pâle comme une cire, lui dit d'une voix basse mais assurée, « Pourquoi pleurez-vous ? » Elle ne lui répondit que par une explosion de sanglots. « Oh, je sais, » reprit-il en secouant tristement la tête, « vous pleurez sur moi. » Vous pleurez sur l'homme que vous avez honoré de votre estime, de votre amitié, et que vous voyez aujourd'hui tomber dans la dernière dégradation. Mais si je vous fais pitié, ou plutôt si je vous fais horreur, comme je me fais horreur à moi-même, à qui la faute, à qui, si ce n'est à cette misérable femme qui sort d'ici, monsieur de Pierrepont. Je ne vous apprends rien, madame, je suppose. Le changement singulier qui s'est fait dans ma vie, peut-être une énigme pour tout le monde, excepté pour vous. Il est impossible que vous, du moins, vous n'en connaissiez pas la cause véritable, et laissez-moi dire l'excuse. Quelquefois, sans doute, murmura la jeune femme, j'ai eu cette pensée. Mais comment m'y arrêter? Comment croire qu'une déception, si amère qu'elle soit, puisse faire descendre un homme? Elle hésitait. Aussi bas, dit Pierrepont, achevant la phrase. « Mais, mon Dieu, madame, vous avez pourtant été ma confidente à cette heure affreuse de ma vie. Rappelez-vous donc, je vous en prie, ce qu'a dû être pour moi cette déception dont vous parlez. À l'âge où la destinée d'un homme est en suspens, c'est une femme souvent qui en décide, qui la tourne au bien ou au mal. Pour moi, il s'est trouvé que votre amie a été cette femme-là, telle qu'elle m'apparaissait alors, de même qu'à tout le monde, avec sa beauté trop réelle. » Et ses vertus factices. Elle était comme le symbole charmant du bonheur que je rêvais auprès d'un foyer respecté. J'avais peu à peu mis tout mon avenir, toute ma vie, dans ce rêve dont elle était l'inspiratrice. Vous savez tout ce qui me séparait d'elle. Vous savez toutes les objections, toutes les résistances, tous les obstacles que j'avais eu à vaincre ou à braver. Vous savez que j'étais prêt à tous les dévouements, à tous les sacrifices. Vous savez que j'acceptais tout. Les privations, la gêne, la suggestion, le travail. Pourvu qu'elle fût ma femme, vous savez enfin combien je l'aimais, de quelle tendresse folle, presque sainte, j'ose le dire. Et quand elle a trompé odieusement un pareil amour, vous vous étonnez que je sois devenu un désespéré et que je l'appelle une misérable. Monsieur de Pierrepont, je vous plains de toute mon âme, mais est-il digne de vous, de votre bon sens, de votre droiture, de traiter une femme de misérable parce qu'elle a refusé de vous épouser? Je ne la traite pas de misérable parce qu'elle a refusé de m'épouser, mais parce que pendant des mois et des années, elle a encouragé ma passion parce qu'elle m'a laissé croire qu'elle la partageait, et parce qu'elle mentait. Voyons, madame, est-ce que j'étais un enfant? Est-ce que je pouvais me tromper à son attitude, à ses regards, à son accent, à son silence même? Est-ce que tout cela ne disait pas qu'elle m'aimait? Allons, vous en étiez persuadé vous-même. Et tout cela n'était que mensonge et froide coquetterie. C'est qu'alors, malgré la médiocrité de ma fortune, j'étais un beau parti pour elle qui n'avait rien. Mais le jour où un prétendant plus riche s'est offert, sans souci de me briser le cœur, elle s'est jetée dans ses bras. Si vous saviez, monsieur, si vous pouviez savoir comme vous êtes injuste, elle s'est jetée dans ses bras. Continua-t-il avec une exaltation croissante. Et tout ce qui s'est passé en moi dans ce moment-là, tout ce que j'ai ressenti de désenchantement, de douleur, d'humiliation, de jalousie sauvage, comment ne le comprenez-vous pas? J'ai pensé à me tuer. Mais la vie que je mène est un suicide comme un autre, avec la honte en plus, c'est vrai. Monsieur de Pierrepont, je vous en prie, calmez-vous, je vous en prie. Elle m'a rendu fou. Elle m'a rendu mauvais de toutes les manières, et elle s'en apercevra. Là, tout à l'heure, elle me refusait avec insolence un léger service. Et cela, pour outrager cette jeune femme, qui ne vaut rien, c'est possible, mais qui vaut 100 fois mieux qu'elle, eh bien, elle lui fera amende honorable. Ou je lui tuerai son mari. Je le hais d'ailleurs, son mari. Un honnête homme, tant qu'on voudra, mais je le hais, et par Dieu, il fera le portrait de ma maîtresse, ou je le tuerai. Monsieur de Pierrepont, s'écria la jeune femme en lui saisissant le bras. Par tout ce que j'ai de chair et de sacré au monde, je vous jure, entendez-vous, que Béatrice est innocente de ce dont vous l'accusez. Elle vous l'a dit, murmura Pierrepont en souriant amèrement. Ah, mon Dieu, reprit Madame Desmarets, hors d'elle-même. Eh bien oui, elle me l'a dit, elle m'a tout dit. Elle m'a dit que depuis son enfance, elle n'a jamais aimé que vous, que la pensée d'être votre femme était pour elle le ciel même, qu'elle vous adorait enfin, et que votre tante l'a forcée de refuser votre main sous peine de vous déshériter, et qu'elle s'est sacrifiée, et qu'elle a souffert le martyre. Voilà ce qui est vrai. Et vous seriez le dernier des hommes si vous me faisiez jamais repentir de l'indiscrétion coupable, bien coupable, que je viens de commettre. Mais il fallait bien pourtant prévenir le malheur, le crime que vous méditiez. Il la regardait d'un œil stupéfait, incertain, encore hésitant. Mais la confidence qui venait de jaillir du cœur et des lèvres de la jeune femme avait un caractère de vérité qui s'imposait. Il le comprit vite, et lui prenant doucement la main, en s'asseyant devant elle avec un air d'accablement, « Est-ce possible ? Oui, je sais que vous ne mentez jamais. Ah, soyez bénie pour le bien que vous me faites, ah, que je vous remercie. Vous ne me rendez pas le bonheur, hélas, mais vous me rendez le courage et l'honneur. J'en prends acte, » dit-elle en lui serrant fortement la main. Elle lui parla alors en termes plus explicites de la contrainte que Béatrice avait subie de la part de Madame de Montauran, n'ayant plus en réalité aucune raison de lui refuser ces détails dont il paraissait avide. Un brusque rappel d'acteurs dans la salle les interrompit en leur apprenant qu'un acte finissait. « Mon cher monsieur, dit Madame Desmarets en se levant, nous avons besoin tous deux maintenant de repos et encore plus de réflexion. Et puis on doit commencer à s'inquiéter là-bas, dans la loge d'en face. » Pierrepont fit de la main un geste de souveraine indifférence. « Venez demain me voir à 2 heures, reprit-elle. Nous avons à traiter une question bien sérieuse, celle de la conduite à tenir à l'égard de Béatrice. À demain donc, madame, et encore une fois, soyez bénie. » Il gagna la porte du couloir pendant qu'elle rentrait dans sa loge.